Je rêve d'être ciel en soulageant des marins pour l'offrir la mer et tout ce qu'elle contient. La tête à l'envers du décor, comme un vaurien, je me sens bien. Je me saoule devant et le bien à m'en faire péter les vaisseaux. Je me traîne de bar en bar sans savoir où aller. Quand on n'est que tout seul, perdu entre ciel et mer, on s'imagine des ports couverts de brume épaisse que l'on laisse mourir. La tête à l'envers du décor, comme un vaurien, je me sens bien. Je me saoule devant et le bien à m'en faire péter les vaisseaux. Je me traîne de bar en bar sans savoir où aller. Dans ces ports remplis de brume où plus une mouette vient nicher sur ce quai de bitume, un bateau fantôme s'est échoué. J'aurais parfois d'être soleil pour réchauffer les cœurs glacés ou des sirènes affolées échouées sur des banquises. Attends d'être conquise par des marins oubliés. La tête à l'envers du décor, comme un vaurien, je me sens bien. Je me saoule devant et de bière à m'en faire péter les vaisseaux. Je me traîne de bar en bar sans savoir où aller. Pourquoi toujours cette envie de partir comme un vol à la tire sans se faire remarquer par tous ces géants des mers.